Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Let's go. La petite me dit qu'elle veut sortir d'ici, mais non, moi je suis pas son papa. Jamais. En amour, moi j'ai trop donné, maintenant j'ai que du love pour moi. Ma soeur. Elle me dit qu'elle est seule qu'une, mais faut qu'à part elle y aura mieux nulle part. Ben oui. Mais bon, j'avoue, j'y crois pas. Jamais. Ça fait 10 fois j'entends ça. C'est faux. Bébé veut des lovés, alors elle veut des bisous, des cadeaux. Après minuit, elle veut câlin, désolé, j'suis pas dans ça. Laisse-moi dans mes envers. Fin de vie trop compliqué. Pas la force de t'impliquer. Pas la force de t'expliquer. Non, la petite veut sortir d'ici. J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas. Je sais qu'elle compte sur moi. Moi, j'suis pas prêt pour ça. La petite veut sortir d'ici. J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas. Je sais qu'elle compte sur moi. J'suis pas prêt pour ça. Yeah. Dans ma vie, elle me dit qu'elle voudrait rester. Oh my God. Mais non, tu peux pas rester là. C'est moi. Dans ma vie, elle me dit qu'elle va tout donner. Non, mais non, la petite me dit qu'elle veut sortir d'ici. Mais non, moi j'suis pas son papa. No, en amour, moi j'ai tout donné. Maintenant j'ai dit là que pour moi. No, elle me dit qu'elle est seule qu'elle, mais faut qu'à part elle y aura mieux nulle part. Mais bon, j'avoue, j'y crois pas. Ça fait 10 fois j'entends ça. Let's go. Yeah. Je sais que souvent elle compte sur moi, mais moi même j'ai mes problèmes aussi. Ben oui. Je sais pas si je fais pour ça. Adam. Je sais pas si t'es dans ma cible. Toi tu voudrais que je fasse tout pour toi, mais est-ce que tu feras tout pour moi? Dis-moi. Si c'est pas possible, non merci. Bye. Yeah. J'ai trop peur de regretter. Pardon, je pourrais pas t'aimer comme avant. Je préfère rester solo. Voilà, tu cherches mon cœur, baby. Il est pas là, trop méfiant, je pense qu'à moi. La confiance, bébé, oublie ça. Oublie. Le passé m'a bien appris ça. Le passé m'a bien appris ça. Voilà. La petite veut sortir d'ici. J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas. Je sais qu'elle compte sur moi. Moi j'suis pas prêt pour ça. La petite veut sortir d'ici. J'sais pas, j'sais pas, j'sais pas. Je sais qu'elle compte sur moi. J'suis pas prêt pour ça. Yeah. Dans ma vie, elle me dit qu'elle voudrait rester. Mais non, tu peux pas rester là. C'est moi. Dans ma vie, elle me dit qu'elle va tout donner. Mais non. D'ici maintenant, moi j'suis pas son papa. No, en amour, moi j'ai tout donné. Maintenant j'ai dit là que pour moi. No, elle me dit qu'elle est seule qu'elle, mais faut qu'à part elle y aura mieux nulle part. Ça mais bon, j'avoue, j'y crois pas. C'est ça fait 10 fois j'entends ça. Let's go.